le reste m'espère. Ça part en couille autour de chez moi, chômage, sida, coup en bois, cellule remplie, des baumettes apprennent, le front nazi accroît son score. Des couleurs d'affiches s'y sentent fort et laissent un pauvre jeune mort. Les riches sont de plus en plus riches, vivent entre heureux. Les pauvres de plus en plus pauvres se bouffent entre nerveux. Un regard de travers, blocage sur une gazière. La situation dégénère si les grands frères s'affairent. Ainsi des bandes se constituent pendant ce temps. Des sœurs se prostituent et ça se finit souvent devant substitut. Commissariat, garde à vue, fait divers filades dans la rue. Les flics sous se sentent se ruent et distribuent. C'est sale mais il en est fini du respect pour la ville et bien d'autrui. Et tout ce qui s'ensuit, les filles d'ici veulent des marques. Pas d'imitation, les mecs veulent la plus belle. Se lance dans le bise et plonge pour elle. Qui t'aidera une fois derrière les barreaux? Elle, plutôt tes frères, ta chère mère. Le quotidien est un combat face à soi-même. Quand j'y pense, le manque de calme cause bien des problèmes. Si tout le monde mangeait à sa faim, y aurait sûrement moins de vol. Coup de cambriole, cuite à l'alcool. L'État constate le manège, laisse faire. À croire qu'il nous préfère au cimetière. Non, l'école des routes, crédit Arsène Lupin en culotte courte. L'NPE dégoûte, faut du pèse, coûte que coûte, qu'est-ce tu veux? Ici y'a pas de Robin des Bois, si tu es rock, c'est pour toi. Si tu plonges, balance pas. Ça part en couille autour du globe, le respect se perd trop. Faute aux sous, sans job, les jeunes sont des escrocs. Si le business tourne mal, c'est pour tes frais. Trop frais, seul et sans frérot, comment tu fais? Les pieds dans le troisième millénaire, paix et amour, pas au goût du jour. Toujours sur les nerfs, on tourne à rond, des vrais vautours. Cache d'escalier enfumé comme des coffee shops. Tout le monde s'en bat les couilles de la philosophie. Les petits chopent la rage de l'âge où s'amuser sans sous ça suffit plus. Faut plus que les centimes des bouteilles consignées. Tu peux enseigner tout ce que tu veux au monde. Dans les situations difficiles, même les plus sérieux déconnent. La planète part en couille, c'est un fait. Mais qui de nos jours n'a pas déconné? Aujourd'hui c'est la loi des sans pitié. C'est la merde dans tous les quartiers. Les jeunes ne respectent plus rien. Même toi avec un gamin tu verras. Ça fait en 80, je me rappelle des taquets. Comprenez qu'à avec mes potes on tchatché. C'est la vie qui nous a forgé. Maintenant c'est l'époque Nintendo. Les minos grandissent trop tôt, aveuglés par les vidéos à 15 ans. Les enfants baignent tous dans le luxe. Air Max, Lacoste, Versace, portable. La loi du plus en place, virée dans la délinquance. Comment tu veux qu'ils pensent? Boulot, l'argent facile, ça fait plus barbeau. Devenir le presse des escrocs, Jamba. Que feras-tu une fois derrière les barreaux? Te retrouver seul, ça fait moins rigolo. Où sont tous tes frérots? Aucune nouvelle, les vrais rêves. Et les autres sont dehors, ils se la pètent. T'as perdu la tête d'avoir fait tant de mal à ta famille, une mère si fragile. À qui dorénavant tu grattes des habits? La vie c'est pas si tranquille, pense au futur. Dis-toi qu'en dehors c'est plus dur. N'hésite pas à tenter une nouvelle aventure. Dans la rue, vaut mieux s'abstenir. Ça part en couille autour du globe, le respect se perd trop. Faute aux sous, sans job, les jeunes sont des escrocs. Si le business tourne mal, c'est pour tes frais. Trop frais, seul et sans frérot, comment tu fais? Faut du liquide, rien à foutre du yin ou du yang avec nos beats vikings. L'essentiel se trouve entre les jambes, tu captes ou quoi? Le fric tient le monde par les couilles. Haplit, nique le flic, tout part en couille dans l'époque où le vol rapporte peu. Sans sous, avoir une vie normale on peut pas. Il pleut du sang, sous on sent tout cassé. Question de cas épouse, un coup de kébouze et à la vie tu dis bye. Quelques chances dans le business font beaucoup de bénéfices. Dur de faire un coup bénéfice. Le frein rend fou les frères rendent fous ceux qui ont les freins. Normal, rien ne change sauf les gueules des bouffons sur les billets. En 9-7, la loi est dure mec, vaut mieux pas chez 9. En 9-8 et 9-9, vaut mieux pas chez 9. Demande au ref. J'ai bien entendu, j'espère. Écoute vite, sans connaître, écoute vite, cesse de déconner. Ça te la coupe, donc on est dans le coup, reconnais. Écoute vite, sans connaître, écoute vite, cesse de déconner. Ça te la coupe, donc on est dans le coup, reconnais. Vaut mieux pas chier, vaut mieux pas chier.